Point mort, point mort, point mort.

We'll be right back. Croyez-vous que je sois meilleur que vous? Croyez-vous que je sois meilleur que lui? Croyez-vous que je sois meilleur que tous? Croyez-vous que je sois meilleur que vous? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, oh, hey, oh. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, oh, je suis seul. Croyez vraiment que je sois meilleur que toi? Croyez vraiment que je sois meilleur que lui? Croyez vraiment que je sois meilleur que vous? Croyez vraiment que je sois meilleur que nous? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, oh, hey, oh. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne crois pas au signal. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, oh, hey, oh. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne crois pas au signal. Croyez vraiment que je sois meilleur que toi? Croyez-vous que je sois meilleur que lui? Croyez vraiment que je sois meilleur que moi? Croyez-vous que je sois meilleur que vous? Hero, idiot, hero, idiot, hero, idiot, étoile, étoile dans la demande de la merde. H2. We'll be right back. mais non, j'avoue que fait. Depuis d'avance, plus je sens qu'il est temps de faire mon retour. Mais la page, plus d'avance, plus je sens qu'il est temps de s'éclater ma rage. Dans ce mémoire, je fais dans les ghettos. Nous rougerons tout ça sur la terre. Une autre ce mémoire, je reviendrai ces salons. Peut-être que j'étais la dernière. Faudra buter ces salons. Tous ces enfants de salons. Tout haut. Tous des enfants de salons. Haine et peur dans les ghettos. Trop de morts. Il est leur salon. Time. Exit! Exit! Exit! Exit! jeunesse, s'attaquant à tous vos fantasmes, tirant un trait sur ce passé que votre sang va colorer. Règne en liberté, sauvez avec le sang, c'est le prix qu'il faut payer pour vivre. Triste histoire des amants délaissés. Je n'irai plus te voir en 69 l'été.

force, reste la bombe, descends, ne nous plus fort. Ta force, reste la bombe, descends, ne nous plus fort. Voyeur, fini le vice, vous qui m'avez fait